Tugs Music. Monsieur Thomas K.I. James. Among the ciel, among the red, among the soleil, among the soleil, among the je t'aime, pas among the peine, ni among the problème, pas among the problème, among the ciel, among the red, among the soleil, among the soleil, among the je t'aime, pas among the haine, jamais among the peine. Pourquoi? Pourquoi on n'est jamais? Jamais among the peine. Pourquoi on n'est jamais, jamais, jamais un monde de paix. Je t'écris un monde en manque parce qu'on a le cœur asphyxié des frustrations qu'on plante. On se cache tous derrière des murailles fissurées. Sur les éclats de rire, j'entends les détresses murmurer. Des fils et des apparences, des faux semblants. On finit par se tromper nous-mêmes à force de cacher nos carences. En manque d'authenticité, en manque de véracité, t'étonnes pas que nos amitiés manquent de fidélité, manquent de sincérité, manquent de remise en question. Autant que nos certitudes manquent de points d'interrogation. Et puisqu'on a tous raison, dites-moi qui a tort. L'orgueil a ses raisons que la sagesse ignore. J'écris ce texte en manque de droiture, en manque de piété, inconstant, en manque de culpabilité, insouciant, en manque de raison, aux portes de la folie, car conscient que je serai jamais en manque de mélancolie. Un monde en manque de... En manque de ciel, en manque de rêve, en manque de soleil, en manque de je t'aime, pas en manque de peine, ni en manque de problème. Un monde en manque de... En manque de ciel, en manque de rêve, en manque de soleil, en manque de je t'aime, pas en manque de haine, jamais en manque de paix. On manque d'argent, on manque de vision, on manque de solutions, on manque de place dans les prisons, on manque de première chance, les talents s'égarent. Et vu qu'on manque de temps, rares sont les avenirs qu'on répare. On manque d'espace, de vie, de terre, d'air, quand on grandit dans les jardins de pierre. On manque pas d'armes pour faire taire l'amour, mais est-ce qu'un jour on manque de larmes pour pleurer nos morts? On manque de subtilité, on manque de finesse, pas de brutalité, on manque de tendresse, jamais d'hostilité, ni de tristesse. On manque d'écoute et de compassion, tous coupables, on manque de pardon. Un monde, on manque de... On manque de ciel, on manque de rêve, on manque de soleil, on manque de je t'aime, pas on manque de peine, ni on manque de problème. Un monde, on manque de... On manque de ciel, on manque de rêve, on manque de soleil, on manque de je t'aime, pas on manque de haine, jamais on manque de paix. Pourquoi? Pourquoi on n'est jamais... En manque de sourire, à compter les soupirs, le temps passé à souffrir, et celui qu'on perd à courir. En manque d'horizon, en manque de raison, cruel manque de passion, triste manque d'illusion. En manque de ciel, en manque de rêve, en manque de soleil. Monsieur Thomas, en manque de je t'aime, en manque de haine, jamais, jamais, jamais, jamais en manque.